Est-ce que je pourrais un jour ne plus t'aimer? Est-ce que je pourrais un jour t'oublier? Est-ce que je pourrais m'effacer pour toi? Toi et moi un jour on n'existera pas. Est-ce que toi et moi un jour n'existera pas? L'amour, c'est qu'a dit l'amour, c'est toi l'amour. Est-ce que je pourrais un jour t'oublier? Est-ce que je pourrais m'effacer pour toi? Que toi et